Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 11e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute. Après être arrivés au pôle Nord pour enquêter sur la disparition de la liste de Noël, Auguste et Léon commencèrent leurs interrogatoires. Après celui de Gédéon, le secrétaire du Père Noël, ils s'apprêtaient à questionner Hector, le lutin en charge du ménage. Mais ce dernier commençait à se faire attendre depuis un bon moment. Une heure de retard, c'est scandaleux. Il se fiche du monde, non ? Tu as raison, Auguste. Je commence même à me demander si Hector ne va pas se retrouver illico presto en haut de notre liste de suspects. Cette absence est quand même particulièrement louche, si tu veux mon avis. Bon, arrêtons de perdre notre temps. Qui est le suivant sur la liste ? Allons-y, ça vaudra mieux, je pense. Mais alors que les deux frères commencèrent à quitter le bureau qui avait été mis à leur disposition pour s'entretenir avec le lutin, ils entendirent une voix au loin. Messieurs ! Messieurs, ne partez pas, s'il vous plaît, attendez ! Eh bien, ça n'est pas trop tôt. Comment ça ? Je ne suis pas en avance ? Si notre rendez-vous avait été programmé demain, alors oui, à la limite, vous seriez en avance. Là, en l'occurrence, vous venez de nous faire perdre une bonne heure de notre temps. Mais nous n'avions pas rendez-vous à 9h ? Absolument, si. Et il est 8h45 à ma montre ? Regardez votre trotteuse. Elle s'est arrêtée, votre montre ne fonctionne plus, Hector. Oh là là, zut de flûte. Et le pire, c'est que je m'étais trompée. Je croyais que nous avions rendez-vous dans l'aile Sucre d'Orge. Elle est à l'autre bout du domaine. Lorsque je m'en suis rendu compte, j'ai dû tellement courir pour arriver à l'heure. Tout ça pour ça, en plus. Allez, Hector, calmez-vous, ça ne fait rien. Le plus important est que vous soyez ici maintenant, n'est-ce pas ? Léon lui tapota gentiment l'épaule. Il avait l'intime conviction que le lutin était sincèrement désolé pour ce retard et cette maladresse de sa part. Le papy de Léon et Auguste leur avait expliqué que ses intuitions avaient toujours constitué les trois quarts de ses résolutions d'enquête. Mais, ajoutait-il, les trois quarts, ça n'est pas suffisant. Il faut donc savoir écouter ses ressentis presque magiques tout en tâchant de garder la tête froide, afin de mener efficacement les enquêtes. Auguste savait que son frère était en train de se faire ses réflexions, et il prit le relais de l'interrogatoire. « Monsieur Hector, tenez, prenez ce verre d'eau. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce qu'il s'est passé cette matinée-là ? S'est-elle déroulée comme toutes les autres matinées ?»« Comment ça ?»« Ce que mon frère demande, Hector, c'est si vous avez fait le ménage comme les autres jours, selon le même parcours, les mêmes horaires. » Vous êtes certain que c'était moi qui étais de ménage ce jour-là ? Que voulez-vous dire ? Vous n'êtes pas toujours de ménage ? Non, non, nous avons chaque jour des tâches différentes à effectuer. Tenez, aujourd'hui par exemple, je dois m'occuper de recharger les réservoirs de la fontaine de chocolat. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, ce sont les rennes que je dois aller brosser. Ça, c'est ma colocataire. Où est mon carnet ? Oh non, je l'ai encore égaré. Léon, peux-tu vérifier les documents que nous a fournis Gédéon, s'il te plaît ? Ce doit être écrit dessus. Je confirme, Gus, c'est bien Hector qui a pointé ce matin-là. Pardon, pouvez-vous me redire de quel matin vous me parlez déjà ? Enfin, Hector, celui du jour où la liste de Noël a disparu. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, j'ai vraiment une mémoire catastrophique. Pauvre Père Noël, ça me revient, il était tout tourneboulé. Je l'ai vu ensuite passer dehors pour se rendre dans son bureau. Je venais de finir mon service. Il a failli me faire tomber lorsqu'il m'a bousculé sur son passage. Mais je ne lui en veux pas, bien évidemment. Comment en vouloir à un homme si gentil, si généreux, encore plus dans un moment pareil ? Vous semblez beaucoup l'apprécier et je me trompe ? Oh non, vous ne vous trompez pas. Je ne sais pas ce qui m'a causé le plus de peine. Apprendre pour la liste ou le voir dans un tel état d'inquiétude et de tristesse. Pouvez-vous nous dire, maintenant que la mémoire semble vous revenir, comment s'est déroulé votre passage dans sa chambre ? J'imagine qu'il était à sa table de travail, en pleine étude de la liste, c'est bien cela ? Ah non, pas du tout. Lorsque je suis passée, il était allongé et endormi. Le Père Noël a un sommeil de plomb. J'ai pu passer l'aspirateur dans toute la pièce et sous le lit, sans le réveiller un seul instant. Je n'ai pas regardé les documents qui se trouvaient sur son bureau et à ses côtés sur le lit. Mais j'imagine en effet que ce qui était près de sa main devait être la liste de Noël. Ah, intéressant. Donc si je vous suis, lors de votre passage à... À quelle heure, Gus ? 10h17, selon le registre. Lors de votre passage dans la chambre, entre 10h17 et... Gus ? Et 10h43, Léon. Entre 10h17 et 10h43, donc, vous êtes entré dans la chambre du Père Noël. Vous avez vu un papier qui pourrait être identifié comme étant la liste. Vous n'y avez pas touché. Oh, bien sûr que non ! Vous avez passé l'aspirateur, puis êtes sorti par la porte, c'est bien cela ? Oui, oui, tout à fait. Oh, et j'ai passé la serpillière, évidemment, avant de partir. Très bien, j'ai tout noté, Léon. As-tu d'autres questions pour Hector ? Non, Gus, c'est OK pour moi. Hector, avez-vous des précisions, des remarques ? Non, si ce n'est que je voulais vous remercier pour le travail que vous effectuez. Et j'espère que vous allez vite trouver une solution. J'espère aussi que ce n'est pas moi sans le faire exprès qui aurait... Qui aurait quoi, Hector ? Non, rien, qui vous ai mis trop en retard ce matin. Bon, messieurs, bon courage, je vous laisse, au revoir. Et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, Hector s'était volatilisé hors de la pièce, sans un mot pour les deux garçons qui se regardaient, l'air interdit. Léon ? Gus ? On est bien d'accord que je note dans la marge qu'il faudra interroger de nouveau notre ami Hector pour comprendre ce qu'il aurait pu faire sans le faire exprès ? On est bien d'accord. Suite à cet entretien, Léon et Auguste passèrent une partie de la journée à remplir leur tableau d'enquêteur. Pensez, si ça n'est pas encore fait, à aller chercher le vôtre sur notre site internet ou sur Facebook. Vous trouverez les liens juste ici. Le reste de la journée fut consacré à la visite des lieux pour les deux garçons. Malgré l'immense beauté du domaine et les endroits plus surprenants les uns que les autres, leur esprit n'était pas tranquille. Après Gédéon, il leur semblait qu'Hector lui aussi n'avait pas été tout à fait sincère. Ils se couchèrent l'esprit un peu moins serein que la veille. Vivement le lendemain, se dirent-ils. Que cette enquête continue d'avancer. Soyez au rendez-vous, les enfants, même endroit, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel.